interculturelle du Québec. Demande du comité d'action des personnes sans statut en faveur des Haïtiens menacés de déportation pour la levée du moratoire en décembre 2014. Madame la ministre, depuis la levée du moratoire concernant les personnes d'origine haïtienne et zimbabwéenne, le 1er décembre 2014, le gouvernement fédéral s'est montré flexible et a pris son refus de collaborer avec les principaux acteurs intéressés par ce drame. Les preuves sont évidentes. Malgré des demandes répétées, le fédéral n'a jamais voulu divulguer le nombre de personnes dont la demande sera approuvée. Pire encore, il n'a pas accepté de prolonger de 3 mois la date limite du projet de résidence permanente. Par ailleurs, le comité d'action des personnes sans statut attend encore une réponse à sa lettre ouverte adressée au Premier ministre du Canada le 12 mars 2015, dans laquelle il rejetait le système du cas par cas pour demander en lieu et place une mesure collective et globale. Par contre, nous reconnaissons que le Québec s'est montré compréhensif des essais de déportation. D'abord, en accordant un financement à quelques organismes communautaires pour l'aide requise et ensuite en émettant des avis d'évaluation sur le parcours d'intégration des postulants, Québec a montré une certaine empathie dans ce dossier et la communauté haïtienne n'est pas prête d'oublier cela. Cependant, Madame la ministre, les mesures adoptées par le Québec sont insuffisantes. Madame une solidarité, Madame une solidarité, Madame une solidarité, Madame une solidarité, Madame une solidarité, Madame une solidarité, Madame une solidarité, Madame une solidarité, Madame une solidarité. Vous venez tout juste d'entendre la lecture d'une lettre adressée à la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Vail, de la part de la Comité d'action des personnes sans statut, qui demande d'accorder la résidence sous motif humanitaire à quelque 3 200 Haïtiens qui risquent d'être expulsés à Montréal. Depuis 2004, un moratoire empêchait la déportation des Haïtiens et Zimbabwéens au Canada en raison de l'instabilité politique dans leur pays et du séisme de 2010 en Haïti. Par contre, le gouvernement Harper a levé son moratoire le décembre 2014 dernier, puisque selon eux, la situation politique et les conditions de vie dans les deux pays avaient amélioré. Ainsi, 3 500 personnes sont affectées par la levée de ce moratoire au Canada. Jeudi le 9 juillet dernier, le Comité d'action des personnes sans statut ainsi qu'une vingtaine d'Haïtiens se sont rassemblés devant les bureaux du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour dénoncer ces conditions qui les touchent personnellement. Gary Owens, l'un des manifestants, nous a parlé des raisons pour lesquelles il manifestait ce jour. Alors, je me présente, mon nom c'est Gary Owens. Donc, ma présence ici, c'est surtout pour porter solidarité à mes compatriotes, ainsi bien mes cogénitures, tels que les Zimbabwéens. Donc, alors, aujourd'hui, on est là pour présenter notre demande sur la question de certificat de sélection. Alors, étant que le ministre ou la ministre de Québec, d'Immigration du Québec, a donné à Badawi un certificat de sélection contraignant, alors, n'est-ce pourquoi qu'on est là aujourd'hui pour lui demander aussi, on accepte leur amnistie, mais de façon contraignante au niveau de certificat de sélection comme Badawi. Alors, c'est ça. Est-ce que ça vous touche personnellement? Tout à fait, parce que je suis un homme social, intègre et non pas intégré. Donc, alors, quand on parle de coup de fouet, ainsi bien, si on parle aussi de vivre dans une société sans sécurité, d'état social, c'est tous les deux, c'est inhumain. Parce que si on dit état social, sans sécurité d'état social, c'est surtout quand la société n'a pas d'instruction, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas la santé, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de travail. Donc alors, en gros, sous forme d'abus de pouvoir, c'est tout à fait unique. Et vous portez une carte sur votre chandail en ce moment. Est-ce que vous pouvez le lire et me dire ce que ça veut dire pour vous? Pourquoi vous l'avez fait? Alors, vous me permettez 2 minutes? Oui, bien sûr. Donc, je peux vous résumer oui. En gros, parce que la façon que c'est placé. Alors, j'ai dit aussi, certificat de vitesse, c'est pas humain. Coup de fouet, société ou société sans sécurité d'état social, comme je venais de dire, alors, entre guillemets, la santé, l'instruction, etc., sous forme d'abus de pouvoir, égale considération humanitaire pour tout ce qui est écrit ici, tel que coup de fouet, c'est inhumain. Alors, ainsi bien, me laisser aller vivre dans un pays, dans une société ou un pays dont la société n'a pas de sécurité, et comme j'ai écrit, sans sécurité d'état social, alors je trouve que ça aussi, ça mérite la même considération. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce que vous espérez voir à ce rassemblement? Est-ce que vous espérez que ça va porter plus attention à cette cause? Bon, évidemment, oui. Je peux dire que je le souhaite d'abord. Et puis, ainsi bien que j'ai beaucoup d'espoir, parce que n'est-ce pourquoi que depuis mon arrivée ici, 74, donc je suis un homme d'abord social, et puis je lutte, parce que c'est une lutte, alors je lutte d'existence, alors si Dieu me le permet, on va continuer, puis on sait qu'on va gagner. On reste ici, on reste ici. Nous avons aussi eu la chance de parler avec M. Serge Bouchereau, le porte-parole du Comité des actions des personnes sans statut qui a organisé cet événement. Mon nom est Serge Bouchereau, je suis le porte-parole du Comité d'action des personnes sans statut. Et pourquoi avez-vous organisé ce rassemblement aujourd'hui? Bon, cette vigile et ce point de presse font partie d'une série d'activités que nous organisons périodiquement pour pouvoir soutenir la cause des sans-papiers et faire avancer cette cause-là. Et la cause qui concerne plus particulièrement les gens que la levée du moratoire en décembre 2014 veut pratiquement déporter, qui sont menacés de déportation. Ces gens-là qui sont concernés par cette levée et qui sont menacés de déportation. Alors aujourd'hui, on est venu ici devant les bureaux de la ministre Kathleen Veil, c'est pour pouvoir lui apporter une lettre ouverte qu'on a rédigée afin de la sensibiliser sur ce qui se passe là. C'est-à-dire que le fédéral refuse des gens à qui le ministère a accordé des certificats de sélection avec un avis favorable. Et le fédéral refuse ces gens-là, et en les refusant, ils transfèrent leur dossier au service frontalier canadien pour que les suites nécessaires soient faites. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons très bien que les suites nécessaires, c'est la déportation. Or, nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui soient déportés. Nous voulons que tous ces gens-là puissent demeurer ici parce que ce sont des gens qui cherchent un ciel plus clément. En Haïti, dans leur pays d'origine, ça va très mal, très très mal. Depuis le séisme du 12 janvier 2014, il y a plus de 70 000 personnes qui sont encore sous des tentes, si on peut les appeler ainsi, d'une part. Et d'autre part, il y a la République dominicaine qui fait un refoulement sauvage de personnes d'ascendance haïtienne. Plus de 24 000 ont été retournés là depuis 2 semaines. Et le pire reste à venir, parce qu'on prévoit que c'est une épuration ethnique que la République dominicaine veut faire. Donc imaginez que pendant que la République dominicaine renvoie, refoule des gens sauvagement en Haïti, Bahamas avait fait la même chose tout dernièrement, et que le Canada se mette à emboîter le pas, à envoyer des gens qui sont déjà ici depuis fort longtemps, et qui ont commencé à prendre racine, qui ont des enfants, qui vont à l'école, ça va être la division des familles, etc. Donc, nous disons que Mme Veil doit agir. C'est pas normal que le Québec accorde des avis favorables et que le fédéral refuse ces gens-là. Alors nous disons à Mme Veil, donnez un certificat pour des motifs humanitaires à ces gens-là, et comme cela, le fédéral ne pourra pas les renvoyer. Et nous lui demandons aussi de continuer à exiger du fédéral que la très grande majorité de ces gens, sinon la totalité des gens qui sont concernés par la levée du moratoire, mais du moins la très grande majorité de ces gens-là restent ici. Parce que sur les 3200 personnes, chiffre avancé par le fédéral, il y a 1400 qui ont présenté leur demande d'ordre humanitaire, donc ce qui veut dire qu'il y a 1800 qui ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qui va advenir de ces 1800 personnes? C'est parce que ces gens-là n'ont pas d'argent. Ce sont des gens qui ont fait déjà des demandes une fois, deux fois, et ça coûte cher, c'est exorbitant. Ces gens-là n'ont pas d'argent. Comprends-tu? Donc, beaucoup nous ont dit que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent qu'ils n'ont pas fait cette demande-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Donc, voilà. Est-ce que vous croyez que ça a été effectué aujourd'hui? Bon, nous sommes très satisfaits de cette vigile-là. Et nous sommes aussi très heureux qu'on ait eu 2 partenaires, et le Bloc québécois et puis Québec solidaire, et qui ont envoyé des représentants prestigieux, le président du Bloc ainsi que la vice-présidente, et puis le président et porte-parole de Québec solidaire qui était là avec nous pour nous accompagner. Nous sommes très heureux, et nous sommes heureux que vous soyez là aussi, et d'autres journalistes, blogueurs, internautes. Mais nous sommes un petit peu déçus, et parce que nous aurions aimé apporter la lettre et remettre cette lettre ouverte-là, sinon à Mme Veil, la ministre, en main propre, et au moins à un fonctionnaire quand même de son bureau. Mais ça n'a pas été le cas, et c'est plutôt une garde de sécurité qui est venue nous dire que c'est lui qu'on a choisi pour recueillir la lettre et aller la porter en main propre à Mme Veil. Et en plus, nous avons appris que Mme Veil s'est éclipsée par la porte d'en arrière, ce qui veut dire qu'elle ne voulait pas nous rencontrer. Bon. En tout cas, comme on ne lui avait pas envoyé une demande formelle pour la rencontrer, on peut comprendre. Mais par contre, nous avions fait le nécessaire pour qu'on rencontre un fonctionnaire, bien une secrétaire, là, quelqu'un qui est proche d'elle, afin de remettre la lettre. Mais ça n'a pas été le cas. Bon. Et nous pensons que ça laisse à désirer. Ça, nous ne le prenons pas bien. Pourtant, nous croyons que Mme Ray avait beaucoup d'empathie pour la communauté haïtienne. Mais en tout cas, on verra. On va voir si elle va nous répondre, on l'espère. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas reçu de réponse de M. Harper, à qui nous avons envoyé une lettre ouverte. Nous avons reçu un accusé de réception, c'est tout. Depuis le 12 mars à peu près, là on attend une réponse. Mm-hmm. Rien jusqu'à présent. Ouais. Voilà. Démontrez votre humanité. Madame Ville, démontrez votre humanité. Madame... Madame Bill, démontrez votre humanité. Madame Bill, démontrez votre humanité. Madame Bill, démontrez votre humanité. Madame Bill, démontrez.